Le drame de la rue de la Paix, par Adolphe Belot. Première partie, chapitre 1er. L'intérêt politique absorba tellement notre attention pendant les premiers mois de l'année 1848 que peu de personnes se souviennent aujourd'hui des catastrophes privées ou judiciaires arrivées en grand nombre durant cette époque tourmentée. En effet, ce qui, en temps de calme, suffit à alimenter notre insatiable curiosité parisienne, ne saurait convenir dans les jours de troubles et de révolutions. Comment s'intéresser aux drames qui se déroulent entre les murs d'une maison ou derrière la porte d'une cour d'assises, lorsqu'il se passe sous nos yeux un drame bien autrement palpitant, auquel nous sommes directement mêlés, car il met en question nos intérêts les plus chers. Le rappel, la fusillade, le canon couvrent les autres bruits et nous rendent sourds à tous les cris qui ne montent pas de la rue. C'est ce qui explique comment, dans les premiers jours de mars 1848, il a pu se juger à Paris, sans que beaucoup d'entre nous se le rappellent, un procès si dramatique et si extraordinaire qu'il n'y en a peut-être pas de plus intéressant dans toutes les annales du palais. Nous allons le raconter dans tous ses détails, d'après les journaux de l'époque, nos souvenirs personnels et certaines pièces particulières qui nous ont été communiquées. Le 20 octobre 1847, à 7 heures du matin, la diligence qui faisait encore à cette époque le service de Marseille à Paris déposait, dans la cour des messageries de la rue Notre-Dame-des-Victoires, deux femmes dignes, à plus d'un titre, d'attirer l'attention. Jeunes et remarquablement belles toutes les deux, elles avaient dans la démarche et la physionomie quelque chose qui indiquait au premier coup d'œil une origine étrangère. L'une d'elles, surtout, offrait un type plein de contrastes bizarres. Le front d'une pureté angélique, de grands yeux bleus très doux, mais une lèvre charnue où se trahissait la passion, et d'épais sourcils qui se touchaient presque et qui révélaient une énergie indomptable. Un teint légèrement bruni, avec les colorations vermeilles de la jeunesse, et d'épais cheveux noirs aux reflets bleuâtres entourant un ovale dont les vierges du Pérugin eussent envié le contour. Il était évident que le chaud soleil de l'Italie du Nord avait passé par là, et rayonner sur ce visage et sur cette âme. Julien, en effet, était génoise, comme sa compagne, une belle brune à la taille élevée, aux formes accusées. Du reste, outre les différents petits colis dont elles étaient chargées, elle tenait à la main une de ces grosses branches d'orange encore vertes qu'on rapporte par curiosité du midi et une de ces palmes qui servent à Rome dans certaines cérémonies religieuses qu'on cultive principalement à Bordighera, un des plus jolis villages de la Corniche. Ces deux Italiennes étaient en même temps des Parisiennes, ou du moins, elles n'étaient pas étrangères aux usages de Paris. La cour des messageries, particulièrement, leur était familière. Celle que nous avons nommée Julia avait d'abord hésité à descendre de la diligence. Il semblait qu'elle attendît un bras ami. Puis, prenant tout à coup son parti, elle courut sans hésitation vers la salle où les étrangers attendaient, à cette époque, l'arrivée des voyageurs. Elle n'y trouva probablement pas la personne qu'elle espérait y voir, car après un rapide coup d'œil jeté dans cette salle, elle s'élança dans la rue voisine, mais là aussi l'examen fut inutile, et Julia, toute désappointée, rejoignit sa compagne de voyage qui, descendue à son tour, s'occupait à régler le prix des places. « Il n'est pas là. Comment cela se fait-il » s'écria-t-elle en l'abordant. « Passant, seigneur, il va venir. » Patience, patience, quand je ne l'ai pas vu depuis 2 mois, quand je devrais déjà l'avoir embrassé 100 fois. Comme cela, devant tout le monde, n'est-il pas mon mari? Sans doute, sans doute. Oh, madame Ledroit, madame, tu m'appelles madame à présent, nous sommes à Paris. Cela doit-il changer nos rapports? Je te l'ai déjà dit, Marietta, j'entends que tu continues à me tutoyer ici comme à Gênes. Tu es ma sœur de lait, ma compatriote, et je ne te permets pas de te croire une camériste. « A-t-on jamais vu? À peine en France, elle se révolte. Ah, si mon mari était là, il te traiterait d'une jolie façon. Mais j'entends une voiture, c'est sans doute lui. » Avec une pétulance charmante, elle s'élança au-devant de la voiture qui venait de pénétrer dans la cour, mais elle revint presque aussitôt. « Non, » fit-elle avec dépit, « c'est un monsieur très laid, ce n'est pas mon mari. »« Es-tu bien sûr qu'il a reçu ta lettre ?» demanda Marietta. « Comment ne l'aurait-il pas reçu? Je l'ai mise à la poste moi-même, à Marseille, 2 jours avant notre départ, et le courrier gagne plusieurs heures sur la diligence. » « Alors M. Vidal aura oublié de s'éveiller. Ne disait-il pas, dans une de ses dernières lettres, qu'obligé de renvoyer son domestique, il vivait en garçon? Sans doute, Mais crois-tu donc qu'il ait pu dormir lorsqu'il m'attendait ? Tu ne sais pas comme il m'aime, ajouta-t-elle avec un délicieux sourire qui permit de voir des dents admirables. Tout cela s'était dit rapidement, à la hâte, moitié en italien et moitié en français, car Julia, dans sa vivacité méridionale, empruntait volontiers à n'importe laquelle de ces deux langues le mot que l'autre ne lui fournissait pas assez vite. Un employé des messageries vint les interrompre. Il s'agissait de reconnaître les mâles. Ce fut l'affaire de quelques minutes, puis les deux femmes se regardant. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» dit Julia. « Monter dans un fiacre et nous rendre chez ton mari. Et s'il nous croise en route ?»« Nous l'apercevrons, ou bien on lui dira ici que nous sommes partis et il viendra nous rejoindre. »« Allons !» dit Julia en jetant un dernier coup d'œil sur la cour des messageries. Le fiacre qui avait amené le monsieur Trelet était sur le point de repartir. Marietta lui fit signe. « Qu'as-tu, Mia Cara ? » s'écria-t-elle en entendant Julia pousser un soupir au moment où elle s'asseyait à ses côtés. « J'ai que je me faisais une fête de rentrer avec lui dans cette maison où j'ai été si heureuse depuis mon mariage. Mais dans un instant, chère maîtresse, vous allez l'y retrouver. Je ne sais pas, j'ai peur. Quelle idée ! Craignez-vous qu'il ne soit malade ? Il ne l'est jamais. N'as-tu pas eu du reste de ses nouvelles il y a 2 jours par la lettre qu'on t'a remise à Lyon au bureau des messageries ? C'est égal, je suis inquiète, ne put s'empêcher de dire Julia. Cette voiture ne marche pas, ajouta-t-elle. Nous n'arriverons jamais. Quel besoin avait ce cocher de suivre le boulevard pour aller rue de la Paix ? C'est beaucoup plus long. Il nous prend pour des étrangères, répondit Marietta, et il met de la coquetterie à nous présenter Paris sous son plus séduisant aspect. Il a raison, regarde. Je n'ai jamais vu les boulevards aussi beaux. Ils sont resplendissants de soleil. Nous pourrions nous croire encore en Italie. En effet, on jouissait ce jour-là à Paris d'un de ces temps délicieux que l'été, lorsqu'il est sur le point de finir, nous accorde parfois pour se faire regretter davantage. L'air est si pur, le soleil répandant de chaleur, qu'on croit à une erreur du printemps. On oublie que les arbres ont des feuilles jaunies, que les hirondelles nous ont abandonnés, qu'on se chauffait hier, qu'on se chauffera probablement demain. Qu'importe, on se lève tout étonné mais ravi. On ne peut tenir en place, on sort, on circule, on est tenté de retourner à Bade ou à Trouville. Les rues et les boulevards se remplissent de bonheur, on a repris les habitudes matinales de l'été, on veut profiter des derniers beaux jours, on se salue avec empressement, on se serre la main avec gaieté, on sourit à tout ce qu'on rencontre. On se sent, en un mot, renaître et revivre. Il a suffi pour transformer ainsi Paris du jour au lendemain d'un peu de chaleur et d'un coin de ciel bleu. Nos deux voyageuses, en vraies filles du soleil, devaient subir toutes ces impressions. Elles ne pouvaient être insensibles au charme de cette belle journée. La tête à la portière, elles regardaient de tous leurs yeux et admiraient de tout leur cœur. Julia ne se souvenait plus de la contrariété qu'elle venait d'éprouver. Son gracieux visage ne portait qu'une trace de l'inquiétude qu'elle avait ressentie. Une faible distance la séparait de celui qu'elle désirait tant revoir. Quelques minutes encore, elle allait le surprendre à son gîte. Elle se réjouissait maintenant qu'il ne fût pas venu à sa rencontre. « Il n'a pas reçu ma lettre. Il ne m'attend pas comme il va être heureux », se disait-elle. Et ses joues se coloraient, ses yeux étincelaient, ses lèvres souriaient aux promeneurs, dont quelques-uns s'arrêtaient pour la voir passer. Tout à coup, le fiacre quitta les boulevards, entra dans la rue de la Paix et s'arrêta devant le numéro 6. Le premier mouvement de Julia fut de regarder les croisées de l'entresol. « Ce n'est pas ouvert, » s'écria-t-elle. « Le paresseux, il dort encore. » Et sans plus se préoccuper de sa compagne, la laissant se débrouiller avec le cocher, les malles et tous les ustensiles de voyage qui encombraient la voiture, elle franchit la porte cochère, passa devant le concierge sans l'interroger, gravit un étage et agita d'une main frémissante un cordon de sonnette. Quelques secondes s'écoulèrent. L'appel resta sans réponse. Elle sonna de nouveau et elle prêta l'oreille. Aucun bruit ne sortit de l'appartement. « C'est cela, je le pensais bien, » se dit-elle. « Il est allé à ma rencontre et nous nous sommes croisés. » Elle redescendit précipitamment l'étage et s'adressant au concierge. « Monsieur est sorti ? » demanda-t-elle. « Ah, voilà, madame, » s'écria le concierge. « A-t-elle fait bon voyage ?»« Oui, excellent, mais mon mari ?»« Je n'ai pas vu monsieur ce matin. » Il ne vous a rien dit en sortant, mais il ne doit pas être sorti. Mais comment n'ouvre-t-il pas ? Madame n'aura pas sonné assez fort. Si madame le désire, nous allons remonter. Oui, venez. Julien remonta avec la concierge. Elle agita la sonnette de toutes ses forces, même silence. « C'est étonnant, » dit le concierge. « Monsieur attendait madame, cependant. »« Ah, il a donc reçu ma lettre depuis 2 jours. »« Il est évidemment à la diligence, » dit Marietta. « Si tu veux, je vais y courir. »« C'est cela, » dit Julien. Une voiture passait, Marietta s'y jeta. Elle était tombée sur un phénomène. Les chevaux partent au galop. Julien se résigne. Elle ne veut pas s'asseoir chez le concierge. Elle marche fiévreusement dans la rue, interrogeant du regard ses fenêtres toujours muettes. À force de les considérer, elle croit s'apercevoir que les rideaux sont baissés, en sorte qu'il doit faire dans l'appartement nuit complète. Son mari ne s'est donc pas levé. Elle s'élance chez le concierge. Elle veut qu'on enfonce la porte. Le concierge va chercher le serrurier. 5 minutes après, le serrurier arrive. À ce moment, une voiture tourne le coin de la rue. C'est Marietta. Elle est penchée hors de la portière. « Eh bien ?» lui crie Julia. Marietta répond par un signe négatif. Julia remonte avec le serrurier. « Vous aurez du mal, » dit le concierge. « Monsieur a un verrou de sûreté qui ferme joliment. » Au grand ébahissement du concierge, le verrou de sûreté n'était pas mis. La serrure n'était même pas fermée à double tour et la porte s'ouvre à la première pesée. Julia s'élance dans l'appartement. Elle traverse l'antichambre, la salle à manger, le salon, tout est dans l'ordre accoutumé. Elle pénètre dans la chambre à coucher, dont la porte est grande ouverte. Tout à coup, Marietta entend un cri terrible, elle accourt. Au milieu de la chambre, Julia venait de tomber évanouie. Près du lit, la moitié du corps par terre, l'autre moitié reposant sur les matelas, on apercevait un homme couvert de sang, un homme assassiné. Et sur un portefeuille ouvert, un carnet d'agent de change, ces mots écrits avec du sang. « Julien, mange, l'assassin s'appe. » La mort avait glacé la main de la victime au moment où elle allait tracer le nom de son meurtrier. C'était maintenant à la justice qu'il appartenait de compléter la phrase.